sur Radio Le 5, consacré à la musique francophone. Et on commence avec ça. Ce soir, dans Radio Le Zinc, sur la petite radio locale Radio Val-de-Rhin, c'est une nouvelle promenade à travers l'immense richesse de la musique française que je vous propose. La Radio Le Zinc ne recule devant aucun grand écart, aucun changement de dimension musicale pour faire plaisir à vos estourbes, qu'elles soient en chou-fleur ou pas. Ouvrez-les en grand et laissez-les se promener au pays des vermeils de Alice. t'es pas si fier, allez. Mais qu'est-ce que tu veux, putain? Que pauvre-tu? Reste avec ces vauriens. Moi, je suis pas gentil. très rock ce soir dans Radio Le Zinc. Alors on va prendre une respiration parce qu'après Wavell, Alice et autres Nosfell qu'on vient d'écouter à l'instant, on va se faire une petite respiration un peu plus pop avec les poteaux de Charline et Alex. On ne rit pas et on siffle 100 fois avec Kabaddi. Je me suis quand même pas fait beau 100 fois pour rien. Je t'ai quand même pas imaginé nu 100 fois pour rien. Je n'ai quand même pas gâché 100 bouquets pour rien. Je n'aurais pas marché pour rien. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Il y avait toujours vous deux, il y avait moi. Le gars dans les bras duquel les filles ne tombaient pas. J'allais pas tenir la chandelle toute ma vie, tu voulais que je fasse quoi? Oui, je suis derrière les barreaux, mais je rêve encore de faire les gros titres des journaux. La Belle et le Prisonnier, ça ferait un film que j'aurais largement mérité pour ces années. Je n'ai quand même pas fantasmé 100 fois tes mains, tes cheveux, tes seins pour rien. Je n'aurais pas dit 100 fois le temps jouera pour moi. 100 fois mon heure viendra, 100 fois reprends-toi. 100 fois pourquoi t'oses toujours pas, pourquoi t'oses toujours pas. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Te dire que je rêve encore. Je rêve encore de la Belle et du Prisonnier. Je pense au film que ça ferait, au tapis rouge pour toi et moi. Enfin une fois, tu seras en robe et je serai beau gosse. Enfin une fois, je t'écris pour te dire que je t'attends. Malgré tout, malgré murs en paysage, malgré les chaînes et les poulets, malgré la chambre sans rivage. Une heure suffirait et je me serais pas dit 100 fois, soit lui, soit moi pour rien. Une heure suffirait et je n'aurais pas fait 100 fois le tour de ma cellule pour rien. Une heure suffirait et je n'aurais pas regretté 100 fois mon ami, mon proche, à mon rival pour rien. Tout à l'heure, il m'amène vers la fin, là où l'amour et nos morts se mêlent. Donne-moi juste une fois, Belle, tu ne risques rien. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Quelle richesse dans les artistes françaises et francophones, être capable de vous élargir l'esprit, d'ouvrir vos feuilles de chou pour passer de la pop légère de Kabaddi aux percussions corporelles de la dénommée Camille qui nous chantait il y a quelques années ta douleur. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Thank you. s'est incrusté cet orage avant l'été, cette chépine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur et tous ceux qui n'ont plus rien. Richesse dans les genres musicaux, richesse parmi les artistes, richesse dans les textes, richesse dans les engagements humanitaires, comme pour les deux artistes qui vont à présent se succéder sur la scène de Radio Le Zinc. Stanislas qui évoquera la peur des migrants, mais commençons par Clarica qui nous rappelle notre chance d'appartenir à un pays qui, tant bien que mal, essaye encore de prendre soin des siens. La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Bon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. Qu'à naître en France. ils y ont cru que c'est à Paris qu'ils sont bienvenus, prix du voyage, prêteur sur gage, prix du voyage, prêteur sur gage. 6 à l'arrière, 4 à l'avant, le manque d'air, l'air en vivant à la frontière. Ils prennent 10 ans, à la frontière, ils prennent 10 ans. C'est leur îlot trésor, leur envie d'espérance, et sur leur transistor, ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message, tu verras en France. Ils n'ont que Dieu qui prie pour eux. Ils n'ont que Dieu qui prie pour eux. Ils ont menti sur leur avenir. Ils sont partis pour devenir. Mais c'est ici qu'on les oublie. Mais c'est ici qu'on les oublie. Leur îlot trésor, leur envie d'espérance, et sur leur transistor, ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message, tu verras en France. C'est leur îlot trésor, leur envie d'espérance, et sur leur transistor, ils reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message, tu verras. Leur envie d'espérance sur leur transistor, et reçoivent la France. Ils ont pour seul bagage leur année de naissance, dans leur poche un message, tu verras. Sur Radio Le Zinc, on essaie de vous donner la pêche. Alors bien sûr, avec Clarica et Stanislas, on n'a pas beaucoup rigolé. Mais tant que la musique est là, l'espoir reste avec nous. Et l'espoir et le bonheur que nous envoie Ridan. Avec Ulysse, qui mélange espoir et nostalgie. La nostalgie qui est garante de souvenirs, et donc qui nous rappelle qui nous sommes et d'où nous venons. Heureux qui comme

On bâtit des empires éphémères, éphémères. On bâtit des royaumes en leur donnant pour roi un aveugle fou tâtonnant dans la lumière. Un mirage que je vous envoie. Vous marchiez à côté de moi, le regard fier. Vous aviez cette allure qu'ont tout à la fois celles qui vous sèmeront derrière, derrière. Et ceux qui attendent juste un mot de toi. Vous, mais de vous tous, lequel partagera le doute, arrêtera le vagabond. Vous, mais de vous toutes, laquelle a donc mis sur les routes un voyageur caméléon. Avant de vous connaître, disais-je, je ne me savais pas aussi fourbe que ça. En ouvrant ma fenêtre, pensais, je tomberais sur elle, je tomberais sur toi. À trop laisser s'enfuir en arrière, les ombres que l'on aime à chaque fois. Peut-être avec lui, en lumière, une étincelle au cœur, la route à nos pas. Vous, mais de vous tous, lequel partagera le doute, arrêtera le vagabond. Laquelle a donc mis sur les routes un voyageur caméléon. C'est notre caméléon, chanteur et pierre angulaire, pour ne pas dire clé de voûte de trio, du dandy Mali au dandy de Arnold, il y a quelques instants que nous franchissons ensemble. Arnold, rappelez-vous, c'est l'interprète de Joe Consomme que nous avons écouté et que nous écouterons encore sur Radio Le Zinc. Mais pour tout de suite, c'est Arnold avec son dandy. Bientôt 10 ans que tu dodelines tout en soi-disant devant les divas, le long des divans, papillon de nuit en patifolant. Dis donc mon dandy, soit dit en passant, tu ne crois pas si bien dire en disant que les gens d'ici te trouvent indécent à chanter parcimonieux. Sur année, tes poèmes à l'eau de rose ont fané. sont les divas, le long des divans. Tu joues les gentils, antidoxydants. Au fil du temps, t'es devenu sensible. Et le corps changeant de cœur de cible. Ta gueule d'enjôleur glisse devant la glace. Ta voix de crooner peu à peu se casse. Tandis tu n'as pas honte à ton âge, à verser dans ses menus ménages. Vieux beau mégalo, galant suranné. Tes poèmes à l'eau de roses enfanées. Hidalgo, bourreau des corsages, coureur de hippon, dragueur kamikaze, bonobo parleur, lover un peu barge, le beau en chantier, beau mec sur le tour, va vendre en viager tes chansons d'amour, serre tes belles paroles à la cantonade, t'es même plus l'idole de tes potes de rade. Bientôt fini les enfantillages, à jouer les donjons de bas étage. Confort de vos oreilles et votre petit bonheur, prenez une dose, une heure par semaine de Radio Le Zinc. L'un sur la gorge, l'autre sur le front. Je ressens des palpitations. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont encore me dire? Fallait que ça arrive, je vais mourir. Je crois que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Je crois que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Mais quoi? Est-ce du collagène importé? Est-ce des flaques carburées? Est-ce une goutte du l'été? Est-ce des larmes du soir? Est-ce du liquide amniotique? Est-ce un antidote bizarre? Je crois que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Je crois que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Mais qui? Est-ce une victime collatérale? Est-ce un ennemi ombilical? Est-ce une personne à schéma corporel contrarié? Est-ce une danseuse de claquettes? Est-ce une danteuse à fouet? Ça y est, je crois savoir qui c'est. Est-ce ses grands écarts? Est-ce ses yeux à dédale? Est-ce ses longs, longs regards? Est-ce ce sourire immobile? Est-ce ses gestes élégants? Est-ce ce charme inflexible? C'est donc toi qui as mis quelque chose dans mon verre. C'est donc toi qui as mis quelque chose dans mon verre. Maintenant viens par ici. Mets ta bouche dans ce verre. Maintenant viens par ici. Mets ta bouche sur mes lèvres. De dandy français ce soir, puisqu'après le M de Mali et le A de Arnold, c'était le dandy Alistair perdu dans ses quelques vers teintés de désillusion. Benjamin Biolay qui arrive, sera-t-il capable de nous redonner courage? Pas sûr dans ces grands ensembles. Y'a pas que la solitude, les tombeaux. Y'a pas que la lassitude qui caresse mon corps, n'empêche. Les jours passent et se ressemblent. Y'a pas que l'éphéméride, mais la détente. Y'a pas que des gens lucides dans la file d'attente, n'empêche. Dans le vent, on ressemble. Les jours passent et se ressemblent. Voici de la musique douce, douce. Mmh. Un peu de musique douce, douce. Mmh. Voici de la musique douce pour entendre le pire. Car à trop être sourd, on ne pourra même plus luire. Juste de la drogue douce pour calmer l'artifice qui paraît des secousses dans un monde sans musique. Voici des calmants lourds pour abaisser les rires. Faut qu'ils retirent sourire dans ces fêtes sans tabou. Voici de la musique basse pour la faire moins festive, tout en gardant l'audace et restant sur le qui-vive. Voici de la musique douce. Un peu de musique douce, douce. Mmh. La musique douce en guise d'éclaireur pour pas se noyer dans nos bains de sueur. Juste de la drogue douce pour pas être surpris par de géantes tous de peur et de cris. Des calmants lourds pour jouer l'innocent. Un œil en somme toujours prêt à temps. La musique basse pour entendre les splashs qui cognent en gouttes sur les spots intacts. Voilà que la lumière coule sur nos visages, alarme le temps qu'on avale ce sourd moment de rage. Voilà que les cœurs roulent sur les planches colorées de rouge vif abrupt et de danse desséchée. Voici de la musique douce, douce. Oh, oh, oh. Ne danse plus à pas de loup, il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on exige de danser à pas de géant. Avec des habits de circonstance, je l'avoue parfois très outrageant, mais ils font peur au point d'être agents. Je veux bien les mettre et remettre et crier combien je fais la fête, en montrant bien que sous mes pieds j'ai la plus belle des cultures dorées. Parfois psychée ou sophistiquée, je danse fort à me tuer à coups d'amour et de lettres. Qu'au petit jour à ses êtres, j'envoie mes sueurs et tous mes baisers pour sereinement aller me coucher. Ne danse plus à pas de loup, il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. Ne danse plus à pas de loup, il y a que ça qui prouve que tu l'ouvres. Et s'ils veulent nous écarter des pistes, ces gars-là savent au moins qu'on existe. C'est de la musique douce, douce. Oh, oh, oh. Un peu de musique douce, douce. Oh, oh, oh. Mmh. Mmh. Sans virer dans la neurasthénie, notre radio zinc, qui pourtant promettait de nous donner la pêche, vire un peu dans la mélancolie. Et le beau Eddie de Préto, que nous venons de partager, ne relance pas tout. Alors, haut les cœurs, avec le collectif Parigo, Fauve. Thank you.

de voir un SDF qui crève dans sa pisse. Développé et paraît-il civilisé, mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser. J'attends tout des autres, et eux attendent tout des autres, ceux-ci même qui attendent tout de moi. J'attends cette émission où c'est le dernier qui tient sur le bout de bois, même si je sais que dedans se fout de moi. Début septembre, j'attends le 11 pour le nouvel épisode. Et pour ce que je pense, j'attends qu'on m'emprisonne. Pour ce que je dis, j'attends la chaise. Et pour ce que je fais, pas de malaise, puisque je fais rien et j'attends. J'attends. I'm waiting. J'attends. I'm waiting. J'attends. I'm waiting. J'attends. I'm waiting. J'attends. I'm waiting. J'attends. I'm waiting. J'attends. I'm waiting. J'attends. J'attends que mes proches meurent pour leur dire je vous aime fort. Et j'attends que là-haut on me réserve le même sort. J'attends en regardant ces vieux séniles gouverner. Je les écoute sans jamais me sentir concerné. J'aime